sais que tu me rends bête, bête, bête, bête. Fais-moi voir comment tu bloques, bloques, bloques, bloques. Tellement de monde, c'est moi qui l'a repéré. J't'ai bousculé, j'suis même pas désolé. J'continue de marcher comme si rien n'était. J'sais bien qu'il a saigné du nez. Il casse son cou quand je me retourne. J'vois bien qu'il a la tête qui tourne. J'ai le sens sensibilisé. J'confirme la cible est touchée. Avec lui je danse jusqu'à perdre la raison. J'en sais bien à l'aise, c'est comme à la maison. Avec lui je danse jusqu'à perdre la raison. Tu sais que tu me rends bête, bête, bête, bête. Dans mes pensées. Fais-moi voir comment tu bloques, bloques, bloques, bloques. J'adore ta manière de danser. Tu sais que tu me rends bête, bête, bête, bête, bête. T'as une manquée dans mes pensées. Fais-moi voir comment tu bloques, bloques, bloques, bloques, bloques. J'adore ta manière de danser. Tu m'as vu descendre du Porsche Cayenne. J'suis rentré dans le club, j't'ai localisé. J'suis bien au-dessus de la moyenne. J'suis différent des autres, j'suis gagné ou attisé. Bien que je te serve un verre ou deux, je sais que tu m'as fait douter. Quand je vois ton boule, je m'éloigne de la vérité. J'ai l'impression d'être habité, mais je veux toucher le butin. Laisse-moi te faire la cour, te décorer comme un sapin. Je veux danser derrière toi, penche-toi un peu. Penche-toi un peu. Approche-toi de moi et penche-toi un peu. Penche-toi un peu. Tu sais que tu me rends bête, bête, bête, bête. T'es dans mes pensées. Fais-moi voir comment tu bloques, bloques, bloques, bloques. J'adore ta manière de danser. Tu sais que tu me rends bête, bête, bête, bête, bête. Tellement t'es dans mes pensées. Fais-moi voir comment tu bloques, bloques, bloques, bloques, bloques. J'adore ta manière de danser. Il m'a dit penche-toi un peu. J'ai dit calme-toi un peu. Il m'a dit penche-toi un peu. J'ai dit calme-toi un peu. Avec lui je danse jusqu'à perdre la raison. J'en sais bien à l'aise, c'est comme à la maison. Avec lui je danse jusqu'à perdre la raison. Tu sais que tu me rends bête, bête, bête, bête. Tellement t'es dans mes pensées. Fais-moi voir comment tu bloques.